Chapitre 3e. 8 jours d'attente, de préparatifs, de retard. Pendant cette semaine passée à Tanger, nous avons fait de nombreuses allées et venues pour examiner des tentes, choisir, essayer des chevaux ou des mules. Et bien des fois, nous sommes montés sur la hauteur là-bas, où notre campement s'est augmenté peu à peu d'un nombre considérable de gens et d'objets en face toujours des côtes lointaines de l'Europe. Enfin, le départ est fixé à demain matin. Depuis hier, les abords de la Légation de France ressemblent à un lieu d'émigration ou de pillage. Les petites rues tortueuses et blanches d'alentour sont encombrées de ballots énormes, de caisses par centaines, tout cela recouvert de tapis marocains à rayures multicolores et liés de cordes en roseaux.